La vie scolaire. Activité 8. Compréhension orale. Première écoute. Les résultats que tu as eus ce trimestre ne sont pas très bons. Avec quelques efforts, tu aurais pu atteindre la moyenne. Je sais, madame. Mais ce trimestre a été particulièrement dur pour moi. J'ai eu des problèmes personnels et j'ai trouvé le cours difficile. Ah, tu sais, l'allemand n'est pas une langue facile pour un Français. Mais c'est une langue logique. Une fois que tu en as compris le fonctionnement, tout devient plus clair. En fait, j'ai des problèmes avec la conjugaison des verbes. C'est tellement différent du français et j'ai du mal à apprendre le vocabulaire. Ça ne sert à rien d'apprendre par cœur les mots. Il faut les pratiquer, à l'oral, à l'écrit. Tu les mémoriseras bien mieux comme ça. Nous faisons pourtant de nombreux exercices d'écoute. Nous organisons aussi des discussions en classe. Et vous avez des dossiers à faire à deux sur un thème qui vous intéresse. Le cours, ce n'est pas uniquement de la grammaire. Oui, oui, vous avez raison. Mais je crois que je me suis un peu découragée. Écoute, je vais te proposer quelque chose qui pourrait t'intéresser. Quoi ? Des cours particuliers ? 3 heures d'allemand par semaine, ça me suffit. Non, pas du tout. Je te propose de participer à un voyage en Allemagne l'été prochain. Tu seras logé dans une famille allemande, en forêt noire, pendant 3 semaines. Il y aura un jeune de ton âge dans la famille. Mais madame, je ne parle pas assez bien la langue. Ben justement, tu as suffisamment de connaissances pour te débrouiller. Vous ferez du sport ensemble. Vous rencontrerez des amis, vous irez au cinéma et vous passerez de bons moments en famille. Je suis sûre que tu feras des progrès formidables. Bon, si je comprends bien, il va falloir que j'améliore mon allemand ce dernier trimestre si je veux me faire comprendre. Oui, en effet. Je vais parler de ce projet avec tes parents. Deuxième écoute. Les résultats que tu as eus ce trimestre ne sont pas très bons. Avec quelques efforts, tu aurais pu atteindre la moyenne. Je sais, madame. Mais ce trimestre a été particulièrement dur pour moi. J'ai eu des problèmes personnels et j'ai trouvé le cours difficile. Ah, tu sais, l'allemand n'est pas une langue facile pour un Français. Mais c'est une langue logique. Une fois que tu en as compris le fonctionnement, tout devient plus clair. En fait, j'ai des problèmes avec la conjugaison des verbes. C'est tellement différent du français et j'ai du mal à apprendre le vocabulaire. Ça ne sert à rien d'apprendre par cœur les mots. Il faut les pratiquer, à l'oral, à l'écrit. Tu les mémoriseras bien mieux comme ça. Nous faisons pourtant de nombreux exercices d'écoute. Nous organisons aussi des discussions en classe. Et vous avez des dossiers à faire à deux sur un thème qui vous intéresse. Le cours, ce n'est pas uniquement de la grammaire. Oui, oui, vous avez raison. Mais je crois que je me suis un peu découragée. Écoute, je vais te proposer quelque chose qui pourrait t'intéresser. Quoi ? Des cours particuliers ? 3 heures d'allemand par semaine, ça me suffit. Non, pas du tout. Je te propose de participer à un voyage en Allemagne l'été prochain. Tu seras logé dans une famille allemande, en forêt noire, pendant 3 semaines. Il y aura un jeune de ton âge dans la famille. Mais madame, je ne parle pas assez bien la langue. Ben justement. Tu as suffisamment de connaissances pour te débrouiller. Vous ferez du sport ensemble. Vous rencontrerez des amis, vous irez au cinéma et vous passerez de bons moments en famille. Je suis sûre que tu feras des progrès formidables. Bon, si je comprends bien, il va falloir que j'améliore mon allemand ce dernier trimestre si je veux me faire comprendre. Oui, en effet. Je vais parler de ce projet avec tes parents.